La graine de moutarde. Il existe une vieille légende chinoise qui raconte l'histoire d'une femme dont le fils est décédé. Accablée de peine, elle rendit visite à un saint homme afin de lui demander conseil. Saint homme, de quelle prière et de quelle recette disposez-vous pour rendre la vie à mon fils ? Apporte-moi, dit le saint, une graine de moutarde d'une maison qui n'a jamais connu la souffrance. Avec cette graine de moutarde, nous chasserons toute misère loin de ta vie. La femme commença alors sa recherche de la graine de moutarde. Tout d'abord, elle arriva à une grande maison, frappa à la porte et dit « Je recherche une maison qui n'a jamais connu la misère. Y a-t-il ici un tel lieu ? C'est très important pour moi. » « Eh bien, ici tu es au mauvais endroit, » répondirent les habitants, et tous se mirent à lui raconter les malheurs qu'il les avait éprouvés ces derniers temps. La femme se dit, « Qui d'autre que moi, qui ai connu tant de souffrances, pourrait au mieux aider ces pauvres personnes ?» Et ainsi, elle resta auprès d'eux et elle les consola. Puis, elle se remit à chercher une maison où la souffrance n'avait jamais été éprouvée. Mais partout où elle allait, aussi bien dans les villages que dans les villes, elle rencontrait partout misère et peine. Finalement, elle se consacra entièrement à la misère des autres, de sorte qu'elle en oublia complètement sa recherche de la graine de moutarde. Ce faisant, elle ne réalisait pas qu'ainsi, elle avait vraiment chassé sa souffrance de sa vie.